Chapitre 58e, la visite. Lorenza ne s'était pas trompée. Une voiture, après être entrée par la barrière Saint-Denis, après avoir suivi dans toute sa longueur le faubourg du même nom, avait tourné entre la porte et l'angle formé par la dernière maison et longeait le boulevard. Cette voiture enfermait, comme l'avait dit la voyante, M. Louis de Rohan, évêque de Strasbourg, que son impatience portait à venir trouver, avant le temps fixé, le sorcier dans son antre. Le cocher, que bon nombre d'aventures galantes du beau prélat guérissaient contre l'obscurité, les fondrières et les dangers de certaines rues mystérieuses, ne se rebuta pas le moins du monde lorsqu'après avoir suivi les boulevards Saint-Denis et Saint-Martin, encore peuplés et éclairés, il eut fallu aborder le boulevard désert et sombre de la Bastille. La voiture s'arrêta au coin de la rue Saint-Claude sur le boulevard même et, d'après l'ordre du maître, alla se cacher sous les arbres à 20 pas. Alors M. de Rohan, en habit de ville, se glissa dans la rue et vint frapper 3 fois à la porte de l'hôtel, qu'il avait facilement reconnu à la description que lui en avait faite le comte de Phénix. Le pas de Fritz retentit dans la cour, la porte s'ouvrit. « N'est-ce point ici que demeure monsieur le comte de Phénix ? » demanda le prince. « Oui, monseigneur, répondit Fritz. « Est-il au logis ? » ?»« Oui, monseigneur. » »« Bien, annoncez. » »« Son éminence, le cardinal de Rohan, n'est-ce pas, monseigneur ?» Le prince demeura tout étourdi. Il regarda sur lui, autour de lui, si quelque chose pouvait, dans son costume ou dans son entourage, avoir trahi sa qualité. Il était seul et vêtu en laïc. « Comment savez-vous mon nom ? » demanda-t-il. « Monsieur vient de me dire à l'instant même qu'il attendait son éminence. »« Oui, mais demain, après-demain. »« Non, monseigneur, ce soir. »« Votre maître vient de vous dire qu'il m'attendait ce soir. »« Oui, monseigneur. »« Bien. »« Annoncez-moi alors. » dit le cardinal en mettant un double louis dans la main de Fritz. Alors, dit Fritz, que votre éminence prenne la peine de me suivre. Le cardinal fit de la tête un signe annonça qu'il y consentait. Fritz marcha d'un pas empressé vers la porte de l'antichambre, qu'un grand candélabre de bronze doré éclairait de ses 12 bougies. Le cardinal suivait tout surpris et tout rêveur. Mon ami, dit-il en s'arrêtant à la porte du salon, il y a sans doute méprise. « Et dans ce cas, je ne voudrais pas déranger le comte. Il est impossible que je sois attendu par lui, puisqu'il ignore que je devais venir. »« Monseigneur est bien son éminence, le cardinal prince de Rohan, évêque de Strasbourg ?» demanda Fritz. « Oui, mon ami. »« Alors c'est bien monseigneur que monsieur le comte attend. » Et allumant successivement les bougies de 2 autres candélabres, Fritz s'inclina et sortit. 5 minutes s'écoulèrent pendant lesquelles le cardinal, en proie à une singulière émotion, regarda l'ameublement plein d'élégance de ce salon et les 8 tableaux de maître suspendus à ses lambris. La porte s'ouvrit et le comte de Phénix parut sur le seuil. « Bonsoir, monseigneur, » dit-il simplement. « On m'a dit que vous m'attendiez, » s'écria le cardinal sans répondre à cette salutation. « Que vous m'attendiez ce soir, c'est impossible. »« J'en demande pardon à monseigneur, mais je l'attendais, » répondit le comte. Peut-être doute-t-il de la vérité de mes paroles en voyant l'accueil indigne que je lui fais. Mais arrivé à Paris depuis 2 jours, je suis installé à peine. Que son éminence veuille donc m'excuser. Vous m'attendiez. Et qui vous a prévenu de ma visite? Vous-même, monseigneur. Comment cela? N'avez-vous pas arrêté votre voiture à la barrière Saint-Denis? Oui. N'avez-vous pas appelé votre valet de pied qui est venu parler à son éminence à la portière de son carrosse? Oui. Ne lui avez-vous pas dit rue Saint-Claude au Marais, par le faubourg Saint-Denis et le boulevard. Parole qu'il a répétée au cocher. Oui, mais vous m'avez donc vu, vous m'avez entendu. Je vous ai vu, monseigneur, je vous ai entendu. Vous étiez donc là? Non, monseigneur, je n'étais pas là. Et où étiez-vous? J'étais ici. Vous m'avez vu, vous m'avez entendu d'ici. Oui, monseigneur. Allons donc. Monseigneur oublie que je suis sorcier. Ah, c'est vrai, j'oubliais, monsieur. Comment faut-il que je vous appelle? « Monsieur le baron Balsamo ou monsieur le comte de Phénix ?»« Chez moi, monseigneur, je n'ai pas de nom, je m'appelle le maître. »« Oui, c'est le titre hermétique. »« Ainsi donc, maître, vous m'attendiez. »« Je vous attendais. »« Et vous aviez chauffé votre laboratoire. »« Mon laboratoire est toujours chauffé, monseigneur. »« Et vous me permettrez d'y entrer ?»« J'ai l'honneur d'y conduire, votre excellence. »« Et je vous y suivrai, mais à une condition. »« Laquelle ?» C'est que vous me promettrez de ne pas me mettre personnellement en rapport avec le diable. J'ai grand peur de sa majesté Lucifer. Oh, monseigneur. Oui. D'ordinaire, on prend pour faire le diable de grands coquins de gardes françaises réformées. ou des maîtres d'armes à plumet, qui, pour jouer au naturel le rôle de Satan, rouent les chants de Chicnaud et de Nazarde après avoir éteint les chandelles. « Monseigneur, » dit Balsamo en souriant, « jamais mes diables à moi n'oublient qu'ils ont l'honneur d'avoir affaire à des princes. Ils se souviennent toujours du mot de M. de Condé qui promit à l'un d'eux, s'il ne se tenait pas tranquille, de rosser si bien son fourreau qu'il serait forcé d'en sortir ou de s'y conduire plus décemment. « Bien, » dit le cardinal, « voilà qui me ravit. Passons au laboratoire. Votre éminence veut-elle prendre la peine de me suivre ? Marchons. »